Chapitre deuxième. Le lendemain, dès le point du jour, le comte était à cheval. Les chiens et bouquins étaient partis durant la nuit, ainsi que les messagers. Le comte, qui avait fait coudre, entre sa veste de chasse et la doublure, les lettres du roi, partit à son tour, escorté seulement par son valet de chambre. Les troupes françaises tenaient la campagne sur la route de Goritz, dans un rayon de 20 lieues environ. Monsieur de Mérardis n'avait donc point à se préoccuper des deux premières journées. Il arriva au rendez-vous de chasse à 10 heures, trouva Bouquin qui lui donna à choisir entre un cerf et un élan, opta pour l'élan et fit des couplets. Les chiens, oisifs depuis longtemps, donnèrent avec une ardeur sans pareille. À 5 heures du soir, l'élan était forcé sans qu'il y eût à relever un seul défaut. Le comte fit la curée, avisa un village voisin et dit à Bouquin « Pour aujourd'hui, nous couchons ici. Tu partiras à 2h30 du matin et tu iras faire le bois à 5 le plus loin. » Bouquin s'inclina sans répondre. Le comte, son piqueur, son valet de chambre et son valet de chien soupèrent à la même table, dans une misérable auberge, puis couchèrent dans un grenier à foin. Le lendemain, M. de Mainhardi força un sanglier et fit 5 lieues de plus. « Où ferai-je le bois demain ?» demanda Bouquin. « À 10 lieues plus loin. » fit le piqueur avec admiration. « Irons-nous bien loin et bien longtemps comme ça ?»« D'abord, nous irons à Goritz, et ensuite à Vienne, et après ?» Après, à Pest. Et puis nous continuerons jusqu'à Constantinople. Bouquin, qui se levait de table, s'appuya à son siège pour ne point tomber à la renverse. « Monsieur le comte est fou » murmura-t-il avec commisération. « Non pas, » répondit le comte, « mais j'ai toujours eu envie de savoir par moi-même si les Turcs étaient des veneurs passables. » Bouquin haussa les épaules. « Puisque monsieur le comte est en route, » dit-il avec une sorte d'humeur railleuse, « pourquoi n'irions-nous pas jusqu'en Chine ?» « Il se pourrait que je m'y décidasse, » répondit flegmatiquement le comte. « Je réfléchirai à ta proposition, Bouquin. »« Monsieur le comte, » poursuit Bouquin avec une humilité goguenarde, « trouvera sans doute des relais de chiens sur sa route. »« N'avons-nous pas les nôtres ? S'il chasse aussi longtemps, il faudra les mettre en voiture sous peu. »« Nous nous reposerons un jour sur 4. »« Ils ne tiendront pas à pareil jeu. »« Si cela arrive, » dit froidement le comte, « on dira que Mainhardi a de pauvres chiens et un pauvre piqueur. » Bouquin se mordit les lèvres de colère. « Ils arriveront, » dit-il. « Tu sais, je les portais. » Le troisième jour, M. de Mainhardi avait couru un cerf et fait 30 lieues. Le quatrième, il fit halte et la meute se reposa. Mais comme il voulait mettre à profit son congé, il prit son fusil et alla coucher 3 lieues plus loin que ses gens en tirant des perdrix et des bécassines en chemin. Cela arriva d'autant plus à point que son gîte fut une hutte de bûcheron où il n'eut trouvé sans son gibier que de la choucroute rancie. Le cinquième jour, tandis qu'il était sur la voie d'un élan, il tomba dans un avant-poste autrichien. On voulut l'arrêter d'abord. Il montra son congé, nomma le baron de Hollingen, chez lequel il se rendait, et fut relâché par l'officier qui commandait le détachement d'avant-garde. Ce soir-là, M. de Mainhardi jugea prudent de gagner une petite ville pour chercher gîte, se défiant des bûcherons et des paysans qui jusque-là avaient été ses hôtes. Le comte se trouvait enfin sur les limites de la Bohême montagneuse. Jusqu'alors, il n'avait traversé que plaines, forêts et coteaux imperceptibles. Maintenant, il était face à face avec une chaîne de hautes et sombres montagnes, boisées de la base au faîte, percées de vallées étroites, profondes, de cavernes nombreuses, où les ours et les voleurs logeaient pêle-mêle. Un gentilhomme au moins brave que M. de Mainhardi, au tableau qui lui fut fait du pays qu'il allait parcourir, dans la dernière ville où il gîta, ce fut, sinon effrayé, du moins mis à réfléchir sur les moyens convenables d'éviter toute mauvaise rencontre. Il avait alors, par bons et par beaux, assez de ces soldats irréguliers et vagabonds connus sous la dénomination de chenapans, et dont nous peindrons facilement l'honnête moralité si nous ajoutons que le mot français chenapan dérive directement de leur nom. Il y avait, disons-nous, assez de chenapans en campagne pour qu'il fût aisé, avec un millier de florins, d'en acquérir 200 pour escorte. Mais M. de Mainhardi ne s'effrayait jamais, et il se contenta de dire à Bouquin « Puisque nous entrons sur les terres des ours, je ne veux plus chasser que des ours. Seulement, comme je ne veux pas qu'il te puisse arriver malheur, je ferai le bois avec toi. » À 3 heures du matin, le comte se remit en route et entra dans une vallée dominée de toutes parts par de hautes montagnes. Cette vallée, connue dans le pays sous le nom de Vallée Rouge, avait sa petite légende fantastique comme tous les coins de la bonne et naïve Germanie. Sa légende, comme toutes les autres, avait le diable pour éternel pivot et datait du Moyen Âge. La voici en deux lignes. Satan, qui a toujours aimé ses aises, convoitait depuis fort longtemps les domaines et le château d'un châtelain qui, aux croisades, pris du désir de revoir son castel, avait vendu son âme à l'enfer pour satisfaire ce désir. Satan l'avait transporté chez lui en moins d'une nuit et s'était engagé à le laisser vivre longtemps encore. Mais le châtelain sembla abuser singulièrement de la latitude, car il dépassa 120 ans. Tous les ans, le diable lui apparaissait et lui disait « Comment te portes-tu ?» répondait le rusé seigneur en toussant, crachant comme un moribond. « Vous n'aurez plus à attendre longtemps, majesté, je me traîne. » Le diable s'en allait, revenait au bout d'un an et trouvait son châtelain en aussi bonne santé que 12 mois auparavant. Satan fut patient jusqu'à 90 ans. On vivait si vieux en ce temps-là. À 100 ans, il s'impatienta. À 110, il entra en fureur, et quand la 120e sonna, il n'y tint plus. Il se présenta le soir chez le châtelain. Le châtelain était dans son lit, un flambeau sur son guéridon et une Bible à la main. Satan frémit. « Que lis-tu là ? » demanda-t-il. « La Bible, sire. J'ai eu une visite ce matin. »« Ah, et laquelle ? » ?»« Celle de Saint-Pierre qui m'a dit, « Si tu peux vivre un an encore et apprendre par cœur 121 pages de la Bible, tu te présenteras à la porte du paradis. Aussitôt mort, tu m'appelleras à voix basse et me réciteras tes 121 pages. Si tu ne fais pas une seule faute, je te tirerai le cordon à la sourdine et le diable sera volé. » « Ah ! » fit Satan pâle de colère. « Vous le voyez, sire ? » dit le châtelain humblement. « J'étudie. Je sais déjà assez bien les 60 premières. Voulez-vous me faire répéter ?» Il tendit la Bible à Satan. Mais Satan le repoussa et, furieux, prit le flambeau et l'approcha des draperies du lit. Le lit s'enflamma, le diable s'enfuit et le châtelain, qui était trop cassé pour être leste, brûla lui et sa Bible. Son âme s'enfuit tout effarée vers l'enfer, mais une voix l'appela en route. L'âme se retourna et vit le grand apôtre, le concierge éternel du paradis. « Viens, lui dit-il, récite-moi les 60 pages que tu sais, je te fais grâce du reste. » Le châtelain fit 2 ou 3 fautes légères, mais l'indulgent apôtre toussa à propos et feignit de ne les point remarquer. Le châtelain entra dans le paradis. « Je m'en moque pas mal, dit Satan, ce que je voulais c'était le château. Je l'ai éteint à propos, il m'appartient et j'y veux résider quelquefois. » Depuis, les bûcherons prétendirent qu'à minuit, le samedi, on voyait au travers des clairières flamboyer les murs lézardés du castel qui prit le nom de Château Rouge. Des ombres lascives passaient et repassaient enlacées derrière les vitraux, on entendait les éclats de rire stridents et les notes éparses d'un orchestre infernal. Le château était hanté. Nul ne s'en approcha désormais. Le bûcheron se signa à sa vue. Le pâtre frémit en apercevant au-dessus des sapins les flèches pointues de ses tours. La vallée fut maudite et abandonnée aux ours. Ce fut précisément dans cette vallée qu'après 8 heures de marche, le comte de Mahardy fut assailli par un violent orage et séparé de la chasse, c'est-à-dire de ses 3 serviteurs et de ses chiens, au sortir d'un épais fourré. Le bruit de la fonte avait éteint le son du corps et la voix rauque des chiens. Le comte se mit sous un arbre, s'y abrita de son mieux, lui et son cheval, et attendit que l'orage fût passé, sonnant du corps de quart d'heure en quart d'heure pour allier la chasse. Aucune trompe ne répondait à la sienne et l'orage dura jusqu'au soir. Le comte, impatienté, se remit en route avec la dernière ondée et s'enfonça de plus en plus dans la vallée rouge dont l'aspect sauvage devenait sinistre la nuit. Monsieur de Mahardy avait faim, il était mouillé jusqu'aux os. Il chemina plusieurs heures au milieu des ténèbres, des bois, espérant toujours rencontrer une hutte de bûcheron et ne l'apercevant jamais. « Morbleu ! » jura-t-il exaspéré. « Puisque je suis dans la vallée du diable, le diable pourrait bien être courtois et m'offrir l'hospitalité. » Il achevait à peine qu'en tournant un coude de la vallée, il aperçut dans le lointain une masse imposante et sombre tigrée de points lumineux. Et il reconnut le castel du diable, illuminé des combles aux cuisines. C'était précisément le samedi et minuit approchait. « Oh ! » dit le comte, « il y a sabbat aujourd'hui, et je trouverai nombreuses compagnies. » Et sans plus manifester d'étonnement, il poussa son cheval qui reprit courage et le déposa, 20 minutes après, à la grille du castel. Le comte sonna une fanfare. Le pont-levis s'abaissa. Il entra dans la cour et ne vit personne. Il marcha vers le perron, le gravit, arriva dans le vestibule. Vestibule et perron étaient déserts. Il monta le grand escalier en marbre rouge, entra dans une vaste salle tendue de rouge, puis dans une autre et encore une autre. Tout était rouge, Tout était illuminé, comme pour une fête, et nul ne paraissait. Le comte trouva dans la dernière salle où il pénétra une table servie avec deux couverts. « Ma foi, dit-il, je meurs de faim, et le maître de la maison ne m'en voudra pas de ne point l'attendre. Je vais attaquer ce pâté de venaison et ce jambon d'ours. » Et le comte se mit bravement à table. Le comte avait faim, disons-nous. De plus, il était un de ces rares esprits forts qui ne se donnent point la peine d'approfondir un mystère quand il y a mieux à faire d'abord. Il avait faim. Le pâté de venaison disparut presque tout entier. Puis au pâté succédèrent sans interruption un salmi de bécasse, une bisque de perdreau, quelques menus salaisons, un demi-pot de confiture d'Orient et des pâtisseries hongroises. Le tout fut arrosé par du Johannisberg d'une assez belle date, un cru de muscat rouge dont le comte ne put déterminer l'origine, et quelques gouttes de vin d'Aï, attention minutieuse et délicate, de l'hôte inconnu qui servait des vins de son pays à un exilé. « Pardieu ! » s'écria le comte en riant. « Ceci ressemble fort à l'histoire de feu M. Perrault, la belle et la bête. Le logis et la table sont splendides, l'hôte demeure invisible et il ne se montrera, je gage, qu'au fond des jardins sous la forme d'un monstre femelle que je n'aurai qu'à épouser pour le convertir en une séduisante princesse cousue de soie et doublée de cachemire. » Nous n'oserions affirmer que cette phrase du comte ne ressemble à point à un défi, et qu'il n'ait pas eu l'intention de provoquer l'apparition de son hôte. Mais ses peines, en tout cas, se trouvèrent perdues, car l'hôte ne se montra point. Quand il eut achevé son souper, le comte se renversa philosophiquement dans son fauteuil et se dit à mi-voix « Il ne manque plus qu'une larme de café. Si monsieur le comte veut passer au salon, il y trouvera du café et des pipes d'Orient, » répondit une voix. Le comte leva vivement la tête, regarda autour de lui, chercha des yeux le propriétaire de la voix qu'il venait d'entendre, et ne vit personne. Seulement, dans le fond de la salle à manger, une porte venait de s'ouvrir à deux battants et laissait voir un salon splendidement décoré, avec un feu clair et pétillant, auprès duquel on avait entassé une pile de coussins et dressé un guéridon sur lequel se trouvait le moka brûlant et une chibouque à tuyaux d'ambre, toute chargée de l'attaquer. Le comte s'accroupit, sans trop de raideur, sur les coussins, alluma la chibouque et se prit à philosopher sur les bizarreries de la vie en général et de l'existence du château en particulier. Ce château-là surtout, qu'il trouvait si confortable en tout point, et cependant désert, au moins en apparence, lui semblait curieux à examiner. Quand il eut dégusté le café, et jeté aux cendres du foyer la cendre éteinte de sa chibouque, le comte se leva, prit un flambeau et se dit « Puisqu'il ne se trouve personne ici qui puisse me montrer le château en détail et me servir de cicérone, je vais me le montrer moi-même et m'orienter de mon mieux. » Et là-dessus, il se leva et commença son inspection par le salon où il se trouvait. C'était une vaste pièce, tendue en damas vert foncé, avec des baguettes d'or au plafond, des arabesques et des moulures d'un bon style. Un ameublement Louis XV, soie et or, étalait alentour des murs ses dormeuses et ses fauteuils à dossier rond. Quelques tableaux de prix, quelques bronzes des maîtres, une miniature et un pastel étaient placés çà et là. Deux tritons de cuivre doré supportaient les tisons du foyer. Sur un guéridon, dressé au milieu, étaient étalés, pêle-mêle, des livres, des albums et des gazettes, les contes moraux de M. de Marmontel et le dernier numéro du Mercure de France. « Il paraît, pensa le comte, que mon hôte est ami des arts et des lettres. » Le salon examiné dans tous ses détails, le comte poussa une porte et se trouva dans un charmant boudoir bleu et blanc, encombré de lacs et de potiches, de fleurs rares, et d'arbustes poussés à grands frais, de délicieuses bagatelles traînant çà et là sur les dressoirs et les consoles, en un mot, de ces mille riens ruineux dont une femme aime à s'entourer. « Je suis assurément chez une fée, » se dit le comte, et il passa dans une autre pièce. Celle-là différait complètement de la précédente. C'était un cabinet d'histoire naturelle, un arsenal, un musée cynégétique, tout ce qu'on voudra. Deux loups, merveilleusement empaillés et préparés, étaient assis sur leur arrière-train aux deux côtés de la porte et semblaient fixer avec leurs yeux d'émail le visiteur nocturne qui pénétrait chez eux. Un élan, un cerf, plusieurs biches, un ours noir et une variété infinie de coqs de bruyère, de faisans, de perdrix encombraient cette salle. Les murs étaient tendus de fourrures. À ces fourrures s'adaptaient merveilleusement de curieuses panoplies rangées par date historique. Ici, c'était l'arc et le carquois des anciens. Au-dessous, les pieux Moyen-Âge, Un peu plus bas, l'arquebuse à mèche, le fouet à rouet, le mousquet à silex, le fusil à deux coups dans l'origine. Plus loin, les armes orientales, les damas merveilleux, les pistolets incrustés de nacre, les couteaux de chasse à fourreau ciselé. Plus loin encore, une collection complète de cors, de clairons, de trompes de chasse, de cornes suisses. Tout cela supporté par des bois de cerf, d'élan et des cornes de buffle. Sur une table étaient empilés plusieurs ouvrages de vénerie, presque tous excessivement rares et fort curieux. « Bon, » pensa le comte, « il paraît qu'il a fait un mari bonheur. S'il se veut bien montrer, nous chasserons ensemble. »« Demain, » répondit une voix. Le comte tressaillit, promena un regard rapide autour de lui et ne vit rien. Il retourna dans le boudoir, il passa dans une autre salle qui était une bibliothèque et n'aperçut aucun être vivant. « Attendons demain, » se dit-il. Le comte avait le suprême bonheur de ne pas faire de lire, ce qui put faire supposer qu'à la rigueur il les aimait quelque peu. Il n'en était rien cependant, car il ne daigna pas jeter un seul coup d'œil aux rayons poudreux sur lesquels une main de bibliophile avait patiemment classé 2 ou 3 000 volumes grecs, latins, hébreux, syriaques et français. Il passa outre et se trouva dans une vaste galerie de marbre noir et blanc dont la voûte était supportée par des colonnettes de marbre jaune. Des fenêtres à vitraux gothiques étaient destinées sans doute à l'éclairer pendant le jour, mais à cette heure, elles se trouvaient illuminées par des torches de résine tenues par des mains de bronze qui sortaient des murs. Ces murs étaient couverts de portraits de famille. « De quelle famille ?» se demanda le comte. « Elle devait être illustre et bien apparentée, dans tous les cas, car ce n'étaient que seigneurs en galant costume, dames en robe de cour, prélats mitrés, cardinaux en simar rouge, chevaliers en habit de Malte et commandeurs de tous les ordres du monde chrétien. « À la bonne heure, » murmura le comte, « je suis chez des gens de bonne compagnie. Reste à savoir si les écuries et le chenil sont aussi convenables que tout ce que je viens de voir. Descendons. » Le comte s'orienta sans trop de peine, retrouva le grand escalier au bout de la galerie, gagna le rez-de-chaussée, la cour et les communs, et finit par trouver les écuries. Les écuries étaient tenues avec un luxe fabuleux. 40 chevaux mangeaient côte à côte à un râtelier de bois d'aloès dans une crèche de sandales. La plus fine paille de riz était étendue en litière sur le sol dallé en marbre. Les longes étaient, non en cuir vulgaire, mais en superbe chagrin d'Abyssinie. La beauté des nobles animaux émerveilla le comte. Toutes les races de coureurs célèbres y étaient dignement représentées, depuis l'étalon arabe et andalou jusqu'à la pouliche tartare. La même voix qui déjà avait vibré aux oreilles du comte à 2 reprises différentes se fit entendre de nouveau et cria « Monsieur le comte peut choisir celui qu'il montera demain. » « Très bien, » dit le comte, et après avoir hésité quelques minutes, il se décida pour un étalon arabe noir d'ébène avec la crinière et la queue gris de fer. Des écuries, le baron passa au chenil. Il y avait environ 300 chiens, c'est-à-dire un équipage pour chaque bête de chasse, depuis l'ours, auquel étaient réservés d'énormes mâtins de Norvège, jusqu'au lièvre, pour lequel le châtelain inconnu avait fait venir une meute suisse de petits chiens orangés et blancs, rapides comme l'éclair, avec une superbe voix de basse-taille, qui devait résonner à ravir dans les bruyères et les batailles. « Quelle bête, monsieur le comte, désire-t-il courir demain ?» demanda la voix. « Un élan, » répondit le comte. « C'est bien, on va faire le bois sur le champ. » En ce moment, une horloge invisible, et dont le veneur ne put préciser la situation topographique, sonna minuit. « Tiens, » murmura le comte, « si j'allais me coucher. »« L'appartement de monsieur le comte est prêt, » fit la voix. Le comte quitta le chenil, remonta les degrés du grand escalier, et ne sachant trop où était sa chambre à coucher, prit le parti de passer par le salon où il avait soupé. La nappe, les mets, tout ce qui restait de son repas avait disparu. Le thé était servi sur la table, accompagné de confitures d'orient, de sorbet et de liqueurs. Un narguilé était auprès, bourré d'un tabac levantin jaune comme de l'or. « Décidément, » se dit le comte avec un rire un peu gaillard, « la fée du logis est une femme charmante. Vous trouvez ?» dit une voix douce et harmonieuse, une voix de femme, qui ne ressemblait en rien à celle que le comte avait entendue déjà. Le comte chercha de nouveau autour de lui, le salon était désert. « Cordieux ! » s'écria-t-il. « Je la trouve adorable, mais je voudrais bien la voir. Voulez-vous lui permettre de prendre le thé avec vous ?»« Ah, madame !» s'écria le comte. « Lui permettre, mais c'est à elle d'ordonner. Eh bien, tournez-vous » Le comte se tourna, espérant voir enfin sa mystérieuse hôtesse derrière lui. Il n'en était rien, il chercha vainement. mais en reprenant sa position première, il se retrouva face à face avec un être si singulièrement beau qu'il en jeta un cri d'admiration. C'était une femme de 22 à 23 ans, d'une blancheur éblouissante de mains et de visage, avec des cheveux noirs de jais, et cet œil profond et velouté, cet œil de gazelle des femmes du Levant. Elle portait un costume oriental d'une merveilleuse richesse, un pantalon de soie blanc serré au-dessus de la cheville par un anneau d'or. Une basquine de velours noir broché soutaché enfermait sa taille élancée souple comme celle d'une panthère. Les nattes de ses longs cheveux bouclés s'échappaient à profusion d'une petite toque rouge, et des bracelets de rubis et d'émeraudes étincelaient à ses bras arrondis et blancs comme ceux d'une statue. Elle regardait le comte avec un charmant sourire, arquant à demi sa lèvre rouge et voluptueuse, et le comte la regardait, lui, avec un étonnement naïf qui tenait presque de la stupeur. Et comme il semblait avoir la langue collée au palais et ne pouvoir prononcer un mot, elle prit la parole la première et lui dit « Avez-vous été content de votre souper, comte ?» Cette phrase, simple et presque vulgaire, fit tressaillir le comte et lui rendit un peu de son sang-froid. « Oui, madame, » balbutia-t-il. Elle s'aperçut de son embarras et continua. « Vous pouvez vous regarder ici comme chez vous, monsieur, et je suis trop heureuse de vous recevoir. » Elle s'exprimait en français, avec un léger accent traînant qui essayait à ravir à sa voix veloutée et fraîche. Le comte parvint enfin à maîtriser son émotion. Il reprit même cette assurance spirituelle des gentilshommes galants de son époque et répondit « Nous avions en France, il y a près d'un siècle, un homme de beaucoup d'esprit qu'on nommait M. Perrault. « Je le connais, » dit la jeune femme, « j'ai lu les contes des fées. » « Très bien, » fit le comte. « J'allais vous demander s'il n'avait pas oublié votre histoire dans son livre. » La jeune femme se prit à rire. « Vous croyez donc aux fées ? » s'écria-t-elle. « Depuis une heure, madame. N'y croyez plus, je suis une simple mortelle. Enchantée, peut-être. Pas le moins du monde. Alors, » fit le comte en se levant et mettant son claque sous son bras, comme il le fait dans un salon de Versailles. « Qui que vous soyez, madame, permettez-moi de vous offrir mes remerciements pour la charmante hospitalité que je reçois chez vous à l'improviste. Je les accepte, monsieur le comte, car j'espère que cette hospitalité pourra vous séduire quelques heures encore. » Le comte s'inclina. « Si j'étais maître de ma destinée, madame, dit-il galamment, je me prendrais à souhaiter que cette hospitalité fût sans fin. » « Oui, murmura la jeune fille avec un railleur sourire, ceci est fort joli et sincère peut-être. « Mais vous avez une haute mission diplomatique à remplir, et on vous attend à Constantinople. » Le comte tressaillit. « D'où savez-vous cela ? » fit-il. « Vous avez bien voulu me comparer à une fée, supposez que je la sois réellement, et ne demandez pas mon secret. »« Mais encore, madame, monsieur le comte, ne voulez-vous pas prendre le thé ?» Le comte se mordit les lèvres. « Vous offrirai-je de la crème, madame ? » fit-il d'un ton piqué. « Sans doute. » répondit sa belle hôtesse en pressant de ses lèvres rouges l'ambre de son narguilé. Il y eut un moment de silence pendant lequel le comte se prit à admirer les bras et les mains, le front pur et les noirs cheveux de la jeune femme. Enfin, il continua. « Je voudrais bien, madame, ne pas être indiscret. Cependant... »« Cependant, » fit-elle d'un ton encourageant, « le serais-je en vous demandant chez qui j'ai l'honneur de me trouver ?»« murmura-t-elle avec une adorable petite moue. « Vous êtes curieux, comte. »« Je suis étonné, madame. »« Vraiment ? Je me trompe, je suis émerveillé. »« Et quoi donc ici vous étonne, monsieur ?»« Votre beauté, d'abord, madame. Passons. »« Ensuite, le luxe de votre château, desservi sans doute par une population de grands et de petits génies. »« J'ai une fée, c'est tout simple. »« Ne venez-vous pas de me dire que vous étiez mortel ? C'est juste. »« Eh bien, je suis une princesse indienne. » »« Je m'en doutais. » Et mes serviteurs possèdent l'anneau de Gigas qui, vous le savez, rend invisible quand on entoure le chaton d'une certaine manière. C'est fort ingénieux. Pourrais-je vous demander où ils l'ont trouvé ? Dans les ruines de Ninive, comte. Le comte s'inclina. Je le vois, dit-il. Vous vous enveloppez d'un mystère impénétrable. Impénétrable, oui et non. Oui, si vous voulez le savoir à tout prix. Non, si vous avez de la patience et savez attendre. C'est si difficile. « Monsieur le comte, dit gravement la jeune femme, vous avez l'impétuosité de votre âge et de votre pays, et vous oubliez que nous autres orientaux, nous avons élevé la patience au-dessus des autres vertus. Que me demandez-vous ? De quoi vous plaignez-vous ? Vous étiez égaré comme les héros des contes de M. Perrault, la pluie tombait, vous aviez faim, vous demandiez au hasard un gîte et un souper, le hasard vous donne l'un et l'autre. Qu'exigez-vous encore ? Le comte baissa la tête et parut honteux. « Vous avez raison, madame, » dit-il avec mélancolie. « Je suis un indiscret et un niais indiscret, car je n'ai nul droit de vouloir pénétrer votre incognito. Car je ressemble à cet homme des contes arabes, à qui un génie donna 2 sacs de rubis, et qui, non satisfait, voulut en emporter une poignée encore. La voûte de la caverne dans laquelle il venait de s'enrichir s'écroula et l'engloutit. Vous êtes belle comme femme, ne le fut jamais. Vous mettez votre demeure à ma disposition, vous avez pour moi un adorable sourire, vous me faites un charmant accueil, et je ne suis pas content, et je veux plus encore. » L'expression de gravité triste qui s'était répandue sur le visage de la jeune femme disparut, le sourire y revint, et lui tendant la main, « Vous avez, lui dit-elle, une franchise si naïve et si bonne en vous excusant, qu'il faut bien vous pardonner un peu. Soyez patient, vous saurez tout, et peut-être, peut-être, peut-être, fit-elle avec une certaine hésitation, êtes-vous destiné par le hasard à me sauver d'un danger ?»« Oh ! » s'écria le comte avec vivacité, « parlez, madame, parlez, je vous en conjure. »« Enfant, » murmura-t-elle en souriant, « toujours pressée. Oh, dites-moi. » Ne vous ai-je pas dit d'attendre ? C'est vrai, j'attendrai. 2 heures sonnèrent à la pendule de rocaille du salon. Vous savez que nous chassons demain, comte, dit aussitôt la jeune femme. Avec qui, madame ? Toujours indiscret. Avec moi, monsieur. Rien qu'avec vous ? Encore ? Elle haussa imperceptiblement les épaules avec un petit geste d'impatience. Le comte s'en aperçut, lui prit la main et la baisa. Je suis un vilain incorrigible, dit-il. Mais que voulez-vous ? J'ai si peur de voir l'ombre d'un être humain autre que moi autour de vous. Toujours galant, fit-elle en riant. Il se tut et se prit à l'admirer. Nous chasserons seuls, reprit-elle. Oh, merci. Mais comme nous partirons à 8 heures et qu'il faut que vous puissiez vous lever, je vous engage à vous reposer au plus vite. Prenez ce sorbet et suivez-moi. Le comte avala le sorbet d'un trait et mit sa main dans la belle main de son hôtesse. Venez, lui dit-elle. Elle lui fit traverser les 5 à 6 pièces qu'il avait déjà parcourues, arriva dans le boudoir bleu et blanc qu'il avait si fort admiré, poussa une porte masquée dans un pli de tapisserie et le fit pénétrer dans la chambre à coucher la plus coquette et la plus gaie d'ameublement que jamais possédé petit maître de la Régence. « Vous êtes chez vous ?» lui dit-elle. Le comte la regarda avec admiration. « Je crois aux fées, » dit-il. « Je vous le permets. » « Serez-vous bien loin de moi ? La grotte que vous habitez ?» La grotte que j'habite, mon beau gentilhomme, est à 2 pas d'ici, ou plutôt une simple cloison nous en sépare. Le comte tressaillit. Si vous avez besoin de quelque chose, ajouta-t-elle, appelez-moi. Un de mes serviteurs invisibles vous viendra en aide. Bonsoir. Le comte demeurait immobile au milieu de la chambre, la considérant avec l'enthousiasme naïf d'un amour naissant. Bonsoir, répéta-t-elle, et avant qu'il eût le temps de répondre, de s'incliner, de dire un mot, elle disparut comme une vraie fée et la porte se referma. Le comte, une fois encore, se trouvait seul. Un flot de pensées l'assaillit, et dans ce flot, une surtout domina et s'empara de son esprit. « Je suis là, à côté, » m'a-t-elle dit. Le comte était un élève de Richelieu et de Lauzun. Si le mot impossible n'était pas français pour lui, c'était surtout en amour. Il était de cette école de grands seigneurs un peu débraillés, qui ont coutume de mener une intrigue au galop, il songea sans doute à combiner sur le champ un plan d'attaque. Malheureusement, une lourdeur subite qu'il attribua à un trop grand abus des crus généreux de la belle hôtesse, combinée avec les fatigues de la journée, s'empara de lui presque aussitôt. Il est assez difficile de raconter les rêves que l'on vient de faire. Le réveil jette toujours sur eux un voile qui en obscurcit la plupart des détails. Nous ne saurions donc redire ce qui agitèrent le sommeil du comte. Tout ce que nous en savons, c'est qu'ils furent d'un orientalisme fort prononcé. Quand il s'éveilla, il aperçut la mystérieuse châtelaine assise à son chevet, et croyant sans doute continuer son rêve, il jeta un cri de joie et étendit les bras vers elle. Hélas, le soleil entrait à grands flots dans la chambre, et le dénouement du rêve devenait impossible. « Avez-vous bien dormi, comte ?»« Je dois avoir dormi 15 heures, madame. »« 4 seulement, comte. Impossible. Voyez plutôt. » Elle lui indiqua du doigt la pendule. La pendule marquait 6 heures à peine. « C'est drôle, » continua-t-il, « il me semble avoir dormi un siècle. »« Êtes-vous toujours curieux ?»« Oh, certes, » Voulez-vous savoir mon nom ? Je vous le demande à genoux. Et mon histoire ? Je l'écoute de mes deux oreilles. Serez-vous discret ? Comme la tombe. Le mot est ambitieux, mais n'importe. Nous avons 2 heures devant nous. Écoutez-moi. Donnez-moi d'abord vos 2 mains à baiser. Vous êtes avide, une seule suffit. Elle appuya sa main blanche sur ses lèvres et commença. Je suis d'origine persane et la fille d'un grand vizir. Le comte fit un geste d'étonnement. Vous voyez bien, dit-il, que nous sommes en plein conte arabe. Attendez, impatient. Avant d'être vizir, mon père a été ambassadeur du Shah de Perse à la cour de France et je suis né, moi, à Paris, rue Saint-Honoré, dans le voisinage du palais royal. J'ai vécu 15 années en France et cela vous explique pourquoi, malgré mon origine, je parle votre langue aussi purement. Et je comprends, moi, dit le comte, pourquoi, malgré votre costume, vous êtes si minutieusement parisienne et femme de cour. Monsieur le comte, madame, savez-vous que mon histoire est longue ? Tant mieux, madame, tant pis, car si vous m'interrompez toujours, nous n'arriverons jamais à la fin. 1000 pardons, madame, je vais être muet. J'ai 23 ans. Il y en a 5 que j'ai quitté Paris et que mon père a été élevé par le Shah à la dignité de grand vizir. 2 mois après notre retour à Ispahan, mon père reçut une lettre de Paris signée de l'ambassadeur autrichien, laquelle lettre lui recommandait énergiquement un jeune magyar du nom de Van Rostock. Le comte tressaillit. « Je le connais, dit-il. Je le sais, reprit-elle. Attendez. Le magyar voyageait et se proposait d'aller dans l'Inde en traversant la Perse où il comptait séjourner 1 année. Mon père avait adopté à Paris les habitudes européennes et il avait renoncé à bon nombre de coutumes de notre pays, celles entre autres de voiler soigneusement les femmes, de les séquestrer dans leurs appartements et de ne les montrer à aucun homme. Ma mère et moi portions assez fréquemment le costume des dames françaises. Le magyar trouva chez mon père une hospitalité tout à fait européenne. Il vécut 2 mois dans notre intimité et ne s'aperçut presque jamais qu'il était en Perse. Il me trouva belle et il m'aima. Mais si mon père avait renoncé aux mœurs persanes, il était demeuré fidèle à la loi du prophète qui nous défend toute alliance avec les djaours ou infidèles. Le magyar était chrétien. Pour m'épouser, il fallait abjurer sa religion et embrasser le culte de Mahomet. Il n'y songea pas 1 minute et trouva beaucoup plus simple de m'enlever. J'étais une enfant crédule et naïve. Tout ce que je savais du monde, je l'avais lu dans les livres de M. Crébillon fils et autres romanciers de votre pays. En outre, je ne me voyais pas, sans frémir, destiné à un riche persan, ami de mon père et l'un des plus grands dignitaires de l'Empire. Mon futur mari descendait de l'un des rois mages qui allèrent saluer le prophète Jésus. Il portait au petit doigt de la main gauche l'anneau de Salomon, et pour toute autre femme persane que moi, c'était la plus illustre des alliances. Malheureusement, il avait une barbe blanche, et quand il passait dans les rues, les fidèles étaient contraints de s'agenouiller le front dans la poussière. Tout cela n'eût été rien encore. Mais sa femme n'était point affranchie de cette adoration. Bien au contraire, elle devait s'incliner devant lui et lui baiser les pieds toutes les fois qu'il daignerait la visiter. Or, vous sentez que mon éducation européenne et mes récents souvenirs de Paris, où les hommes, au lieu de se faire adorer par les femmes, ont coutume de passer 1 moitié de la journée à leurs genoux, ne contribuaient nullement à me faire envisager le mariage persan sous un jour agréable. Le magyar était beau, il était élégant et riche, les perles fines et les rubis étincelaient à son dolman. Il avait un langage séduisant, poétique, un œil qui fascinait. Je l'aimais. Il arriva qu'un jour mon père, en sa qualité de grand vizir, fut obligé de partir pour une province du littoral qui s'était rebellée, et comme un grand seigneur persan emmène toujours sa famille avec lui, ma mère et moi fûmes du voyage. Le magyar demanda à mon père la permission de l'accompagner. Mon père y consentit. Nous fixâmes notre résidence au bord de la mer, non loin de l'embouchure du Gange. Alors mon père fut contraint de se mettre à la tête d'une armée et de marcher contre les insurgés. Son absence devait être de 8 jours, elle me perdit. Un soir, le magyar fut plus éloquent, plus persuasif que de coutume. Il me parla de cette existence moitié orientale, moitié européenne de son pays, existence qui me rendait le luxe et le faste indolent du mien sans m'en imposer les préjugés. Il m'ébranla, mais j'essayai de résister encore. Il m'offrit alors de m'épouser selon les lois européennes et sans m'obliger à changer de religion. J'étais indécis déjà. Je fus vaincu par cette dernière offre. Un navire hollandais était en rade. Nous profitâmes d'une nuit obscure. Je gagnai à prix d'or de serviteur de mon père. ils trouvèrent une chaloupe et nous accostâmes le navire hollandais qui appareilla au point du jour. De là datent mes infortunes. Le Magyar était brutal, emporté, il m'aimait d'une passion furieuse qui, longtemps contenue dans les bornes étroites du respect, éclata en violence du jour où je fus en son pouvoir. Nous n'avions pas encore touché la terre d'Europe que déjà je ne l'aimais plus. Hélas, il était trop tard. Nous débarquâmes en France, nous vîmes à Paris d'abord. Là, Michael, c'est ainsi qu'il se nomme, se montra d'une jalousie féroce et sans exemple. Il me déroba tous les yeux. Il avait acheté un petit hôtel rue du Bac, entre cour et jardin, isolé, perdu. C'est là qu'il s'enferma avec moi, là qu'il trouva moyen de si bien dissimuler mon existence que nul de ses amis, et vous étiez du nombre, ne soupçonna jamais qu'il ne vécut pas entièrement seul. « Comment ? » interrompit le comte. « Vous étiez là, à Paris, rue du Bac ?»« Oui, comte. » Il était donc bien jaloux. « Écoutez. » Un jour, j'eus le malheur de me mettre à la croisée et d'encadrer ma tête, une minute, dans une touffe de clématite grimpant aux persiennes. Savez-vous ce qu'il fit? Il ferma la croisée, sans doute. Il me donna un coup de poignard, qui, grâce à une broche en diamant que j'avais au col, ne fit que m'effleurer. Horreur! S'écria le comte. Mon boudoir était attenant au salon, la cloison était mince, j'entendais facilement ce qu'on y disait. Ainsi, mon cher comte, je vous connais depuis longtemps. Je vous ai 20 fois entendu soutenir de paradoxales, chevaleresques et folles théories. J'aimais votre esprit, j'aimais votre bravoure, j'aimais... Oh ! Interrompit le comte vivement. Assez, madame, je deviens fou. Soit, je poursuis. Nous passâmes 3 mois à Paris, moi enfermé, lui négociant je ne sais quelle ténébreuse intrigue, qui sans doute n'aboutit point, car un soir il entra brusquement chez moi et me dit « Nous partons dans 1 heure ». Plusieurs fois, depuis que j'appartenais à cet homme, je lui avais rappelé sa promesse et je lui demandais « Quand m'épouserez-vous »« Dans mon pays », m'avait-il répondu. Nous partîmes. Ce fut ici qu'il m'amena. Il avait bien encore une terre en Hongrie, mais il ne l'habitait que rarement, me dit-il. Il m'aimait, il est vrai. Son amour était une adoration perpétuelle. Il m'environna de ce luxe splendide, de ses soins délicats, de ses menues attentions dont seul... Les grands seigneurs de la cour de France semblent posséder le secret. De nombreux serviteurs obéissaient à mes moindres gestes, prévenaient mes plus futiles désirs. Je n'avais pas le temps de faire un souhait qu'il se trouvait accompli. Au bout de 2 jours, je lui demandai de nouveau « Quand m'épouserez-vous ? » Il fronça le sourcil et me dit « Ceci est impossible. » Je me levai, indigné. « Pour le moment, du moins, » ajouta-t-il, et comme je le regardais avec une douloureuse stupeur, « Savez-vous, poursuivit-il, que je suis marié ?»« Marié ? » m'écriai-je hors de moi et défaillante. « Oui, répéta-t-il, marié, mais pas pour longtemps. » Je ne compris pas, je levai sur lui un œil hagard et atone. « Ma femme mourra dans 6 mois, reprit-il, et comme je me taisais toujours, il ajouta. « Je l'ai soumise à un traitement sûr, elle mourra inévitablement. » Ceci devenait une énigme pour moi. Je n'eus pas la force de lui demander une explication. Il me la donna de lui-même. « Ma femme, me dit-il, est poitrinaire depuis longtemps. Je l'ai reléguée dans mon château des bords du Danube, fleuve dont les brouillards sont mortels pour ceux qui ont les poumons attaqués. Elle ne s'en doute point et meurt en souriant. » Je poussai un cri d'horreur. « Je ne l'aime pas, me dit-il froidement. Je reculai, épouvanté. « Et vous, je vous aime, ajouta-t-il. Oh, vous sentez que dès lors cet homme me fit horreur et que je songeais à fuir. » Seulement je dissimulai, je redevins, j'eus le courage de redevenir caressante, affectueuse, soumise à ses caprices jaloux, muette devant ses emportements. Il chassait chaque jour et m'emmenait. Un matin je feignis une indisposition, il partit sans moi. Quand je fus seul, je fis seller un cheval et je m'en fis au galop, courant au hasard dans un pays qui m'était inconnu, seulement escorté par l'un des 2 serviteurs persans que nous avions emmenés avec nous. Après 15 heures de marche, nous allâmes frapper au milieu d'une forêt, à la porte d'un bûcheron qui nous donna l'hospitalité. J'étais brisé. Je m'endormis sur un grabat, d'un profond sommeil. Quand je m'éveillais, je poussai un cri d'effroi. Le Magyar était debout à mon chevet. « Madame, me dit-il avec calme, vous avez voulu m'échapper. Votre espérance était insensée. Ma femme sera morte dans 3 mois. Après, je vous épouserai. D'ici là, vous m'appartenez corps et âme. Je suis votre maître, et si vous essayez encore de me fuir, je vous tue. » Je frissonnais, il reprit. Quant au serviteur qui vous a suivi, vous allez voir comment je saurai le mettre dans l'impossibilité de recommencer. Il appela, le père s'emparut. Le magyard ne prononça pas un mot, mais il prit un pistolet à sa ceinture, ajusta le malheureux et fit feu. Le père sans s'affaissa sur lui-même et mourut sans avoir jeté un cri. Je m'évanouis, le magyard m'emporta, je ne sais comment, et quand je rouvris les yeux, j'étais couché en travers sur sa selle. À partir de ce jour, il ne me fit plus aucun reproche. Il s'absenta même assez souvent et sans la moindre crainte. Seulement, deux Hongrois, ces âmes damnées, ne me quittaient pas d'une minute et avaient l'ordre de me tuer à la moindre tentative d'évasion. J'étais prisonnier à jamais. « Eh bien ?» demanda le comte impatient. « Comment vous êtes-vous affranchi ?»« Je ne le suis pas encore. Écoutez. » « Vous savez le nom sinistre de cette vallée, la réputation infernale de ce château ?»« Oui. » Le magyar l'avait ainsi préparé pour moi. Il était bien certain que les habitants de la contrée ne viendraient jamais y rôder alentour. Et c'était pour entretenir cette terreur chronique que toutes les nuits, il le faisait illuminer de la base au faîte pour lui donner une couleur infernale. « Très bien. » « Or, le magyar est colonel d'un régiment hongrois de l'Empire. La guerre est venue, il a fallu marcher et se battre. » Le corps d'armée dont son régiment fait partie tient la campagne à 50 lieues d'ici. Il ne peut donc venir me voir souvent. Il a même été contraint de dégarnir le château d'une partie de ses serviteurs, qu'il a incorporé dans son régiment, et il m'a laissé à la garde de ces deux Hongrois, d'une douzaine de domestiques slavons, de mon persan et de son balai de chambre qui est français et qu'il a amené de Paris. C'est la voix que vous avez entendue déjà. Hein ? Fit le comte. Eh bien, hier j'ai eu la visite de Magyar. Il est reparti quelques heures après et ne reviendra pas avant 10 jours. Mais j'ai entendu une conversation singulière qu'il a eue avec ces deux Hongrois. Un espion l'avait averti qu'un gentilhomme français devait s'en aller jusqu'à Constantinople en chassant et porter un message au sultan. Le gentilhomme, c'est vous. Le magyar savait que vous passeriez inévitablement par la vallée et il avait recommandé qu'on vous retint prisonnier au château et qu'on eût pour vous les plus grands égards. En outre, il m'était défendu de me montrer et le château devait être pour vous la retraite du diable. « En sorte, interrompit le comte, que c'est pour cela que je l'ai trouvé désert ?»« Oui, dit la jeune femme, les Hongrois avaient donné leurs ordres. Seulement, aidé du valet de chambre français que j'ai gagné à ma cause et de mon persan qui m'est dévoué, j'ai joué les Hongrois. »« Hein ?» fit le comte intrigué. « Dans mon pays, continua la fille du grand vizir, l'usage de l'opium est assez fréquent. Nous en fumons dans nos pipes à petite dose et nous en avons toujours à notre disposition. Le magyar ne m'en a jamais refusé. » Or, hier, les Hongrois, après avoir tout disposé pour votre réception, ont annoncé que vous chasseriez aujourd'hui. Et les piqueurs sont allés faire le bois et détourner un élan, puisque vous désiriez courir un élan. Puis ils m'ont intimé l'ordre de rentrer chez moi et de m'y enfermer. Après quoi ils se sont mis au lit eux-mêmes. Ils avaient largement soupé, largement bu, ils dorment pour 48 heures au moins. Grâce à l'opium, sans doute, demanda le comte. « Mon persan en a mis dans tous leurs mets. Venez voir plutôt. » Le comte s'était endormi tout habillé. Il n'eut donc aucune toilette à faire et suivit sa belle hôtesse qui poussa une porte et l'introduisit dans une pièce où ronflaient, comme des orgues d'église, deux grands gaillards d'une taille athlétique, barbus et de mine farouche. « Tu Dieu ! » murmura le comte. « Voilà de terribles gardiens. Vous trouvez ? Eh bien, nous allons les mettre en cage pour quelques jours. Comment cela ? Êtes-vous robuste ? Comme un turc. Alors prenez l'un de ces drôles sur vos épaules et suivez-moi. » Le comte obéit, la jeune femme ouvrit une seconde porte qui démasqua un escalier tournant et sombre et prit un flambeau. « Où allons-nous ? » demanda le comte. « Dans les souterrains du château, » répondit-elle. Ils descendirent pendant 10 minutes à l'allure blafarde de la torche. Ils arrivèrent dans une étroite galerie sur un plan incliné très rapide. Ils firent une dizaine de pas encore et se trouvèrent enfin devant une porte de fer munie de gonds solides et d'une triple serrure que la châtelaine ouvrit à l'aide d'une seule clé et avec une dextérité merveilleuse. Le comte se trouva alors dans une sorte de caveau humide et recevant un filet d'air par un étroit soupirail. Dans ce caveau était une sorte de grabat sur lequel, un signe de sa conductrice, il déposa le Hongrois endormi. « Allons chercher l'autre, » lui dit-elle. Le deuxième geôlier de la châtelaine fut couché de la même manière côte à côte de son compagnon. Alors la châtelaine ajouta « Le valet de chambre du magyar va leur descendre des vivres pour 10 jours. Ils ne s'éveilleront pas avant demain, du reste, et à leur réveil, ils auront beau jurer de tempêter, appeler, se ruer contre la porte, nul ne les entendra. Mais, objecta le comte, quand leurs vivres auront disparu, ils mourront de faim. Du tout, comment cela? Le maga vient ici tous les 10 jours, je vais laisser quelques lignes à son adresse, dans lesquelles je lui apprendrai ma fuite et lui indiquerai la retraite provisoire de ses aides de camp. Très bien, et dans 10 jours? Nous aurons atteint Constantinople, cher comte. Le comte regarda la châtelaine, son visage rayonnait de beauté, de malice et d'esprit. C'était un démon qui avait revêtu la plus séduisante des formes. « Et à Constantinople ? » demanda-t-il. « À Constantinople, comte, vous me conduirez à bord de navire persan où vous me procurerez une escorte et je retournerai chez mon père. » Le comte frissonna. « Est-ce une résolution inébranlable ? » Elle le regarda et hésita. « Ne vous aurais-je donc rencontré que pour vous perdre à jamais ? » « Que vous importe ?»« Mais je vous aime !» s'écria le comte. Elle se prit à rire. « Quelle folie » murmura-t-elle. Il se jeta à genoux, lui prit les mains, les baisa avec délire et continua. « Vous aviez bien consenti à épouser le maillard. » Elle rougit et baissa la tête. « J'étais pure » fit-elle bien bas. « Vous êtes la plus belle et la plus noble des femmes » s'écria-t-il avec exaltation. « Vous m'épouseriez donc ? Je vous le demande à genoux !»« Eh bien ?» lui dit-elle, mettant un baiser sur son front brûlant. « Nous verrons !» C'était presque une promesse. Le comte se leva en poussant un cri de joie. Il la prit dans ses bras et l'emporta à travers les galeries souterraines et les escaliers jusqu'à la chambre des Hongrois. Là, elle devint maîtresse d'elle-même et lui dit « Nous n'avons pas de temps à perdre, il faut partir. Partons !» Les gens du Magar savent que vous devez chasser aujourd'hui. Ils ignorent que les Hongrois ont reçu l'ordre de ne pas me laisser paraître et de vous ramener ici ce soir, bon gré mal gré. Peut-être auront-ils quelques soupçons en ne voyant point ceci. Mais heureusement, le valet de chambre du Magar a toute autorité sur eux et leur persuadera que les Hongrois sont partis cette nuit de leur maître. Très bien. Et nous les emmènerons donc jusqu'à Constantinople. Pourquoi pas? Mais ils finiront par comprendre que le Magar est joué. « Non, car nous relayerons en route dans 3 châteaux du Magyar. Et partout on croira, nul, excepté les Hongrois et le valet de chambre, ne connaît la tyrannie qu'il exerce sur moi. Chacun a l'ordre de m'environner de soins et de respect, de m'obéir en tout point. Tous s'imaginent que j'ai un empire excessif sur le Magyar, et comme en Bohême et en Hongrie, la féodalité existe dans toutes ses rigueurs, il n'est pas un de ses vassaux qui ne frissonne à la pensée qu'il déplairait à son seigneur et maître en me refusant une obéissance aveugle. En route, comte, on sonne le départ. Un moment, madame. Quoi donc? Vous oubliez d'écrire au Magyar. C'est juste. Voulez-vous que je le fasse moi-même? Oh, la drôle d'idée! Attendez. Le comte entra dans le boudoir de la châtelaine où il trouva du papier et des plumes et il écrivit la lettre suivante au Magyar. Mon cher comte, il existe un proverbe sur les anguilles que je n'ai pas le temps de vous citer, mais que vous devinerez, j'en suis sûr. Vous aviez un trésor que vous serriez beaucoup dans vos mains. Il vous glisse entre les doigts, et j'y aide un peu, je l'avoue. La future comtesse de Rostock éprouve le besoin de respirer l'air de Constantinople, et je l'accompagne. J'espère qu'elle voudra bien me suivre à Paris, où j'aurai l'honneur de vous la présenter dans un mois sous le nom de comtesse de Mainhardy. Votre tout dévoué. P.S. À propos, vous avez laissé auprès de notre belle châtelaine deux Hongrois assez mal élevés qui eussent combattu, par de fort mauvaises raisons, le voyage de Constantinople. J'aime peu les discussions de cette nature et j'ai trouvé plus simple de les enfermer dans un de vos souterrains. Le diable seul, votre copropriétaire du manoir de la Vallée Rouge, les en pourrait tirer avant votre retour et j'ai quelques lieux de croire qu'il préférera vous attendre. À vous encore. P.S. Je vous remercie de l'excellente et féerique hospitalité que j'ai reçue chez vous et je vous complimente sur votre cabinet cynégétique, les écuries et le chenil qui sont irréprochables. À vous toujours, comte de Mainhardy. La châtelaine parcourut la lettre des yeux et laissa échapper un rire frais et mutin qui mit à nu les 30 de perles qu'un génie persan ou hindou lui avait donné en guise de dents. En ce moment, le valet de chambre du Magyar se présenta et salua le comte avec cette familiarité respectueuse des frontins mis à la mode par le duc de Richelieu. « Ah, te voilà drôle !» fit le comte en souriant. « Je te prends à mon service, monsieur le comte m'honore. »« Mais voleras-tu beaucoup ?»« Le moins qu'il me sera possible, monsieur le comte. »« Voilà un garçon d'esprit qui me convient, » murmura monsieur de Mainhardy. « Porte cette lettre dans la chambre du Magyar. » Le comte offrit sa main à la châtelaine qui, pendant qu'il écrivait, avait revêtu un costume de chasse et tous deux passèrent à la salle à manger où ils entamèrent un pâté froid et burent le coup de l'étrier. Puis ils descendirent dans la cour où les attendaient leurs chevaux tout sellés et les chiens couplés deux par deux. Les gens du magar se composaient d'une douzaine de piqueurs et valets de chiens d'une assez belle taille pour la plupart, hongrois et bohèmes d'origine, portant le saillon de poils de chèvre, les guêtres de cuir montante et le bonnet de fourrure. Au milieu d'eux, pérorait en langue allemande, qu'il comprenait assez bien du reste, le valet de chambre du magar, qui leur expliquait brièvement que leur maître avait mandé auprès de lui les deux hongrois auxquels ils obéissaient d'ordinaire, et que les désirs de madame étaient de se rendre, en chassant, de compagnie avec le gentilhomme français, jusqu'au château que le magar possédait aux environs de Pest. On sonna le bout de selle, la châtelaine et le comte mirent le pied à l'étrier, et l'on partit. Une heure après, on arrivait au rendez-vous de chasse, et le rapport était fait. L'élan détourné était de la plus belle taille, et promettait de tenir bon une journée entière. Mais les chiens du magar étaient de première force, et 7 heures après, l'élan aux abois leur faisait tête et recevait dans le front la balle du comte. Le comte était trop veneur pour avoir oublié, grâce aux émotions de la journée, sa mission diplomatique, les dangers qu'il courait en enlevant ainsi une châtelaine et ses gens, et l'amour même qu'il ressentait pour elle. Il fit méthodiquement la curée, mit de côté la loyau et les rognons de l'élan, lui coupa le pied droit et l'offrit à la châtelaine qu'il accepta le sourire aux lèvres. « Ah, diable !» s'écria le comte. « En ce moment, ceci me fait penser à une chose. Laquelle ? J'ai oublié mon piqueur rouquin. »« Bon, » dit la châtelaine, « vous le retrouverez au premier jour. » Le comte fronça le sourcil avec inquiétude, mais elle lui prit la main et lui dit « Vous avez perdu votre piqueur et trouvé une femme. Il y a compensation. » Les chiens étaient recouplés, l'élan était mort, le jour baissait, l'enthousiasme du veneur s'évanouit, l'amour revint, et le comte oublia Bouquin. On alla coucher à 3 lieues de là, dans une hôtellerie allemande où le souper fut passable. Le comte et la châtelaine soupèrent en tête à tête, et les velléités gaillardes et orientales de M. de Mahardy le reprirent plus ardente et plus tenace que la veille. Mais, à la fin du repas, il se trouva pris d'un impérieux besoin de dormir et eut à peine le temps de se déshabiller. La châtelaine passa la nuit dans une pièce voisine. « C'est drôle, » murmura le comte en se réveillant. « Il me semble que j'ai dormi 8 jours. »« Non, pas 8 jours, » répondit la châtelaine qu'il aperçut assise à son chevet, « mais 14 heures. Il est 1 heure de l'après-midi et il est maintenant trop tard pour chasser. »« 14 heures ?» s'écria le comte. « Il fallait m'éveiller. » Il y avait à cela une difficulté. « Laquelle ?» « C'est que je dormais moi-même et me lève à l'instant. » La châtelaine avait dit vrai, il était trop tard pour chasser. On remit le départ au lendemain. On avait 10 jours devant soi avant que le magar ne l'éveille. Le comte emmena la châtelaine dans un petit bosquet d'arbousiers, on leur apporta à dîner en cet endroit, et ils passèrent la journée sous un arbre, sur une nappe de gazon, au bord d'un ruisseau causeur, les mains dans les mains, comme un écolier et une pensionnaire bégayant le premier hymne de l'amour. Le soir venu, ils retournèrent à l'hôtellerie allemande, après avoir ordonné qu'on fît soigneusement le bois et qu'on détournât un ours, si cela se pouvait. Le comte s'éveilla à 6 heures du matin, et comme la veille, il lui sembla avoir dormi un temps infini. Le valet de chambre entra. « Faut-il éveiller madame ? » demanda-t-il. « Oui, certes. Elle doit dormir encore, car elle s'est couchée tard. » Ces paroles, prononcées avec une bonhomie parfaite, chassèrent tout soupçon de l'esprit du comte. Il s'habilla, passa dans la chambre de la châtelaine où il trouva cette dernière mettant à sa toilette la dernière main, monta à cheval avec elle et se mit en chasse. Un ours avait été détourné, on le courut quelques heures, et puis le comte le tua d'un coup de son couteau de chasse. Ce soir-là, l'accouchée eut lieu dans un village qui tenait garnison hongroise. Le comte témoigna d'abord quelque inquiétude, mais la livrée du magar était connue et nul officier ne le vint questionner. Ce soir-là encore, le comte se promit bien de réaliser une partie de ses rêves, mais il en fut comme des jours précédents, il s'endormit, ne s'éveilla qu'au jour, et prétendit, une fois de plus, qu'il avait dormi un nombre d'heures incalculable. La châtelaine lui rit au nez, lui donna sa main à baiser, lui avoua qu'elle l'aimait et le fit remettre en route. Ce jour-là, on courut au loup et on s'arrêta dans une hutte de bûcherons. Le comte ne devait pas songer, pour le moment du moins, à renouveler ses tentatives des jours précédents. Chez un bûcheron, fille. Et puis du reste, il commençait à s'habituer à ce genre de vie, qui lui permettait à la fois de remplir une mission diplomatique, de chasser et de faire l'amour selon les maximes de Platon, le plus inoffensif et le plus sage des philosophes grecs. Le lit qu'on lui donna était fort dur, mais comme les jours précédents, il dormit à ravir et fit les rêves les plus étranges. « Ah ça, dit-il le lendemain à sa belle persane, savez-vous, madame, qu'il m'ait poussé une drôle d'idée ? Vraiment ? Figurez-vous que je me suis imaginé, le comte hésita. Voyons, dit-elle, que je me suis imaginé que vous me jouiez le même tour qu'aux Hongrois vos geôliers. Quel tour ? Que vous m'administriez de l'opium chaque soir, par exemple. Ce qui, continua le comte, me faisait dormir un peu trop. Mais, dit la châtelaine en riant, il me semble que vous êtes toujours levé à 6 heures. C'est vrai. Mais qui me dit que je ne me suis pas couché avant-hier ? La châtelaine haussa les épaules. « Qui vous dit aussi, fit-elle dédaigneusement, que je ne vous conduis pas directement chez le magyar mon tyran afin qu'il vous remercie ? Demandez-le à lui. » Le comte regarda la châtelaine, son argument était sans réplique, et son visage avait une telle expression de vérité qu'il se montra honteux de sa supposition saugrenue, lui prit les mains et lui dit « Pardonnez-moi, je suis fou. Je le crains, » dit-elle froidement. Le comte fut mal à l'aise le reste de la journée. Heureusement, vers le soir, le front de la châtelaine se dérida et elle lui dit « Je vous pardonne et croyez que je vous aime. Dites-vous vrai ? » s'écria-t-il. « Dans 15 jours, je serai votre femme et vous le verrez. » « À propos, » dit le comte, « j'avais écrit au baron de Hollingen. » « Pour quoi faire ? » ?»« Mais pour l'avertir que j'irai chasser chez lui. » « Eh bien, allons-y. Y pensez-vous ? » Nous passerons 24 heures chez lui et nous lui dirons que vous avez rencontré le magyar et qu'il vous a prié d'aller l'attendre dans son manoir de Hongrie avec ses gens et sa maîtresse qu'il a placée sous votre sauvegarde. L'idée est charmante. De cette façon, nous emmènerons le baron avec nous jusqu'à Pest, nous n'aurons que quelques lieues à faire pour toucher aux frontières ottomanes et l'opium aidant, nous les ferons sans lui. Bravo ! En atteignant la couchée, le comte apprit qu'il avait fait 60 lieues et qu'il n'avait plus que 5 journées de marche. Pour être rendu au château du baron de Hollingen. « Diable ! » dit-il. « 5 jours, c'est beaucoup. Il y en aura 10 quand nous aurons quitté le château, et le magyar sera sur pied. »« Eh bien, » dit la châtelaine, « pourvu que nous ayons sur lui 5 jours d'avance, nous sommes sauvés. » La châtelaine, on le voit, ressemblait peu à ces jeunes filles effrayées qui, s'enfuyant avec leur amant, se retournent à chaque minute, craignant d'être poursuivies, et hâtent l'allure fatiguée du cheval qui les emporte. Mais le comte ne prit garde à cette réflexion de la châtelaine. Le comte était occupé depuis 2 secondes à combiner un nouveau plan stratégique pour la soirée. Il se mit à table, il fut aimable, gai, spirituel. Il ouvrit l'écrin de galanterie et de séduction qu'il avait patiemment amassé à Versailles pendant 4 ou 5 années, en soupant avec monsieur de Richelieu et le duc de Chartres encore jeunes. La châtelaine se montra ravissante de coquetterie, et le savoir-faire et les mignardises d'une jolie chatte créée dans un boudoir et bien élevée. Pendant 1 lieue, le comte fut rayonnant et jouit par avance des honneurs du triomphe, ce qui ne l'empêcha pas, à la fin du souper, de sentir le sommeil l'étreindre peu à peu et le garrotter sur son siège. Alors il oublia ses savantes combinaisons et gagna sa chambre en trébuchant. « Ma parole d'honneur » grommela-t-il, tandis que le valet de chambre du magyar le déshabillait. « De 3 choses l'une, où je ne suis plus le veneur d'autrefois, et je suis miné d'un mal inconnu, où la châtelaine se moque de moi, ou si maudit vin de Bohème sont capiteux en diable. » Cette dernière raison était la plus plausible. Le comte s'en accommoda sans trop de difficultés et s'endormit, même réveil le lendemain. Il lui sembla que son sommeil avait duré une éternité. Cependant, une certaine précipitation que la châtelaine parut mettre à partir, et le désir qu'elle manifesta de pousser ce jour-là le plus loin possible, chassèrent une fois de plus les vagues soupçons qui l'assiégeaient. La chasse fut superbe, et une ourse tomba sous la balle du comte, tandis que les oursons devenaient la proie des piqueurs. 3 jours encore, les mêmes incidents, les mêmes phénomènes se renouvelèrent. Le comte avait fini par s'y habituer et se dire « Il paraît qu'en Bohême les nuits sont interminables et le vin capiteux. » Le soir du 4e jour, au travers des brumes de la nuit tombante, on aperçut les flèches d'un château perdu au milieu d'un bouquet de bois léché au sud par un étang. C'était le manoir du baron de Hollingen. « Enfin !» s'écria la comtesse avec un soupir de soulagement. On éprona, on pressa du genou les chevaux essoufflés, mais quelque diligence qu'ils eussent faite, le comte et la belle personne n'atteignirent le pont-levis du manoir qu'à la nuit close. Le comte emboucha sa trompe et sonna une fanfare bien connue dans le pays en Bohême, la fanfare du veneur noir. Il alla jusqu'au bout, sans que rien parût remuer dans le château. Mais, à la dernière note, une trompe mugit à l'intérieur et répéta gaillardement la fanfare. « Oh ! » dit le comte, « notre hôte est ici, je reconnais sa trompe. » En effet, le manoir s'illumina aussitôt, le pont-levis s'abaissa, et une voix joyeuse et rude, une voix germanique s'il en fut, cria, en langue bohème, « Bienvenue, soient les veneurs attardés !»« Surtout quand ils viennent de loin, » répondit le comte en français. Le baron parut, le comte mit pied à terre, et ils s'embrassèrent à la lueur d'une torche, le plus fraternellement du monde. « Mon cher baron, » dit le comte, « je vous présente une dame de ma connaissance, tantôt qu'on nous sera à table, je vous déclinerai son nom. » Le baron s'inclina. « Venez, » dit-il, « mon souper est servi et j'ai déjà un convive. » Il offrit la main à la châtelaine et gravit le grand escalier côte à côte avec le comte. La salle à manger était illuminée comme pour une fête et il s'échappait de la table toute servie un fumet délicat qui promettait des merveilles. Un grand gaillard, en uniforme de colonel hongrois, était déjà à table et se leva à l'approche des nouveaux arrivants. Mais à sa vue, le comte recula d'un pas et porta la main à la garde de son épée. Dans ce colonel, il venait de reconnaître le Magyare. « Ah, par exemple !» s'écria celui-ci. « Quelle aimable surprise, monsieur de Mainhardi !» Le comte ne répondit pas, mais il se mit en travers de la porte, dans l'intention évidente de masquer la belle personne qui était encore derrière lui. « Tiens !» s'écria le Magyare. « Vous n'amenez pas ma sœur ?»« Votre sœur ?»« Sans doute !» Le comte était stupéfait. « Mais voici !» dit la belle personne en écartant doucement le comte. « Bonjour, frère !»« Suis-je ivre ?» s'écria le comte. « Ou fais-je un rêve ?»« Pas le moins du monde, cher comte !» répondit joyeusement le Magyare. « Je ne sais trop quelle petite histoire mademoiselle de Rostock a pu vous bâtir, mais, à coup sûr, elle m'aura fait une vilaine réputation. » Le comte était atterré et ne trouvait pas un mot. « Figurez-vous, continua le Magyare, que j'ai rencontré le znapan qui me portait votre lettre en Hongrie. » Mes soldats l'ont arrêté, lui et son compagnon qui venait ici. Alors, comme j'avais quelques jours de liberté, je suis venu vous attendre chez mon ami Dollingen, laissant ma sœur le soin de mettre ma meute, mes gens et mon château à votre disposition. Le comte se tourna vers la belle personne. Elle vint à lui souriante et lui dit « C'est une plaisanterie, pardonnez-moi. » « Ainsi donc, fit le comte qui ne savait encore s'il devait rire ou se fâcher, vous êtes sa sœur, sans doute, et à marier, comte. « Voudriez-vous être mon beau-frère, comte ?» Le comte finit par rire et répondit. « Vous m'assurez bien que c'est votre sœur, parbleu. Eh bien, en ce cas, donnez donc des ordres pour qu'on ouvre à vos deux Hongrois. « Oh bah !» fit le Magyare. « Ils sont en liberté depuis longtemps. L'un d'eux va nous servir à table. » Le comte fronça le sourcil. « Ceci, fit-il, commence à ressembler à une mystification. »« Non pas, dit le baron de Hollingen, mais c'est une ruse de guerre. Que voulez-vous dire ?» N'avez-vous pas un congé d'un mois signé du maréchal de Belle-Île, sans doute? Et pendant ce congé, ne comptiez-vous pas pousser jusqu'à Constantinople pour savoir quelles bêtes de chasse ont couru d'ordinaire sur les rives du Bosphore? Le comte rougit et porta une seconde fois la main à son épée. Oh! Dit tranquillement le Magyare. Ne vous emportez point, comte. Nous sommes gentils hommes et incapables de vous arrêter durant la période de votre congé. Et nous ne voulons pas savoir ce que vous allez faire à Constantinople. Le comte recula d'un pas et regarda le Magyare qui raillait toujours. « Seulement, ajouta le baron de Hollingen, votre congé expire ce soir. »« Mon congé expire ce soir ? » s'écria le comte. « Vous êtes fou ? » ?»« Nullement. Vous croyez voyager depuis 10 jours, vous voyagez depuis 1 mois. » Le comte porta les mains à son front. « Je perds la tête, » murmura-t-il. « Voyez plutôt, » fit le Magyare, et il appela « Bouquin, bouquin !» Le piqueur parut avec une mine consternée. « Ce n'est pas malheureux, monsieur le comte, de vous voir enfin. Il y a 3 semaines que je vous cherche. » Le comte chancelait et pirouettait sur lui-même comme un homme aviné. « Mon cher comte, lui dit le Magyare, vous savez par quel ténébreux moyen cette femme infidèle que vous voyez est parvenue à échapper à son mari en endormant ses geôliers. »« Oh !» fit le comte qui commença à comprendre. « Eh bien, elle s'est servie avec vous chaque soir du même procédé, et vous avez régulièrement, à chaque gîte, dormi 2 jours sur 3. » Vos nuits étaient de 48 heures. La colère empourpra les joues du comte. « Je suis joué » s'écrie-t-il. « Vous êtes notre hôte et un peu notre prisonnier, comte. Du reste, nous mènerons joyeuse vie, et nous dépeuplerons durant votre captivité toutes les forêts du baron et quelques-unes des miennes. » « Je ne dépeuplerai rien, » fit le comte avec un sang-froid terrible. « J'avais promis d'arriver à Constantinople ou de me faire tuer. Je n'arrive pas, il faut donc que je me tue moi-même, si je ne veux pas être un homme déshonoré. Vive le roi !» Et le comte tire son épée. Mais en ce moment, le galop d'un cheval retentit dans la cour. Le comte hésita, la jeune femme se jeta sur son épée et la fit rentrer de force au fourreau. Et tandis que M. de Mardy se débattait, étranquillé par les mains de fer du magyar, une estafette entra, poudreuse et crottée dans la salle, et présenta une dépêche au baron. Le baron l'ouvrit précipitamment et jeta un cri. « Comte, fit-il radieux, vous pouvez vivre tranquille. Vous ne serez pas déshonoré et vous irez à Constantinople. »« Que voulez-vous dire ? » demanda M. de Mardy, stupéfait. « Tenez, dit le baron en lui tendant la dépêche, la paix est faite. Vous pouvez aller à Constantinople maintenant, il n'y a plus de prisonniers ici. »« Eh bien ? » s'écria le comte, « j'irai en chassant. » La fausse personne, qui n'était autre que la sœur du magyar, s'avança alors et lui prit la main. « Puisque je fais une partie du mal, dit-elle, je vais essayer de le réparer. Voulez-vous toujours m'épouser ?»« Oui, répondit le comte, mais à une condition. Laquelle ? C'est que je ne prendrai pas d'opium le soir de mes noces. » Ainsi s'achève le Castel du Diable par Ponson du Terrail.